une belle prière. J'ai demandé à Dieu qu'il me change mes mauvaises habitudes. Dieu a dit non, ce n'est pas à moi de les changer, mais à toi de les abandonner. J'ai demandé à Dieu de guérir mon enfant handicapé. Dieu a dit non, son esprit est saint, son corps n'est que temporaire. J'ai demandé à Dieu de me donner la patience. Dieu a dit non. La patience est le fruit des épreuves. Ce n'est pas un don, c'est quelque chose qu'on apprend. J'ai demandé à Dieu de me donner du bonheur. Dieu a dit non. Je te donne mes bénédictions. Le bonheur, c'est à toi de le construire. J'ai demandé à Dieu de m'épargner la douleur. Dieu a dit non. La souffrance t'éloigne des soucis de ce monde et te rapproche de moi. J'ai demandé à Dieu de faire croître mon esprit. Dieu a dit non, tu dois croître par toi-même. Je vais te tailler pour que tu portes des fruits. J'ai demandé à Dieu de me donner toutes les choses qui me permettent de profiter de la vie. Dieu a dit non, je t'ai donné la vie pour que tu puisses profiter de toutes les choses. J'ai demandé à Dieu de m'aider à aimer les autres tant que lui-même. Dieu a dit, ah, tu comprends enfin de quoi il s'agit.